Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à l'équipe. Donc, bonsoir Rigaud. Comment vas-tu? Bonsoir Gégé, ça roule la pêche, la patate, la banane. J'espère que tu vas avoir la pêche sur l'internet. Ouais, tranquille. Bonsoir, malgré que les petits problèmes, bonsoir Apo. Bonsoir Gégé. Bonsoir mon pote. Salut Gégé. Mes deux potes, ouais. C'est-à-dire Fulder et Rego. Ah, moi ouais. Je pue, d'accord. Ouais, Manu, t'en fais quoi? Mon petit Manu à l'aria. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Je vais super bien, Gérard. T'as la pêche? Grave. J'espère. Bah c'est clair, comme tous les jeudis. Ah ben, j'espère, parce que le chef n'est pas là, donc c'est moi qui commande. Alors attention, voilà. Comme c'est moi qui commande, si ça se passe mal, je me casse avant. Donc, t'as raison. On y va, Gégé? Donc, le premier débat va passer, on va attaquer sur les taxes. Et donc, pour ça, on va accueillir Petite Verrue, 22 ans de Yeto. On peut écouter Fun Radio sur 87.9, c'est bien la fréquence. Ouais. Allô? Oui, bonsoir Gérard, c'est ça. Ouais, non, il faudra peut-être... C'était moi Gérard, c'était moi. C'est pas moi. Il faudra peut-être se réveiller un petit peu plus, hein. Mm-hmm. Guy Bedos? Non, Guy Bedos. Guy Bello, 25 ans de Laval, on peut écouter Fun Radio sur 102.3. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Salut mon pote. Ouais, d'accord, je t'ai à peine reconnu, toi. Non, ça n'a pas commencé. Hein. Attention. Gigi, attention, Fildar. T'inquiète, mon grand, je suis ton pote. Attends, attention, parce que ce soir, c'est moi qui commande, alors attention, parce que... Ouais. C'est Guy Bedos, il y a pas pas d'habituel, t'inquiète. On ouais, j'espère. La suite. Gros tétard. 21 ans d'Alès, on peut écouter Fun Radio sur 95.6. Ouais, salut Gérard, salut tout le monde, ça va bien? Bonsoir salut, à toi. Salut, comment tu t'appelles toi? Petite Verrue. Salut Petite Verrue. Pour l'instant, vous me laissez finir de présenter les gens, après on verra. On dit bonjour, c'est tout? Ouais. On dit bonsoir. Oui. Et celui qui a la radio éteint sa radio, et celui qui est avec un portable se casse. Gérard, t'as pas besoin de crier pour leur dire ça. Ouais, parce que les portables et les radios derrière, je n'en veux pas. C'est pas toi. Et non, et puis ceux qui ont du monde derrière, c'est pareil qu'ils arrêtent. Parce que là, ça commence à me prendre la tête aussi. Je pue 24 ans de d'où là? Lacano, 90.6. Salut Gérard, c'est 98.6, désolé. Ouais, bah je me suis trompé, ça arrive à tout le monde, hein. Oh. Oh. Je sens que ça vient commencer les... Bah, je sens, c'est je pue. Ouais, j'ai l'impression que à 2h30, je vais mettre la clé sous la porte, hein. Mais non, Gérard. Bon, on attend encore. Allez, on y va, GG. Donc, premier thème, première question. Mm-hmm. Pour l'instant, vous me laissez parler, d'accord? Après, vous répondrez aux questions. Merci. Ouais. Alors, combien coûte une taxe sur les impôts locaux? On va demander à Petite Verrue. Non. Pas toi, Petite Verrue, pardon. Merci, Gérard. Non, pas toi. Non, on va demander à Guy Bedos. Ouais, bah écoute, moi, je vais t'en placer une bonne. Là, moi, je suis pas imposable. Je suis pas imposable, donc je sais pas. Non, mais les impôts locaux, tu sais ce que c'est? Ouais, c'est les impôts au niveau locaux. Ah ouais. Et on va pas parler des chiottes, hein. Non. Bon, alors, dans ce cas-là, tu dégages, au revoir. Hop. Terminé pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non, terminé. Celui-là, je l'ai reconnu. Il vient de parler des chiottes. Terminé. Il a dit les impôts locaux. Non, il a parlé des chiottes. Désolé. Mais non, mais... Désolé. Les impôts locaux et pas... Désolé. On fait des débats correctement. Oui. Là, il vient de parler des chiottes. Désolé. Donc, il voulait préciser les chiottes de la loco. Donc, on lui dit au revoir. Mais c'était le jeu de mots avec les impôts locaux. Non. Terminé. Au revoir. Au revoir pour lui. C'est pas la peine de le reprendre sous un autre nom. Non. Voilà. Alors, Petite Verrue maintenant. Oui, Gérard. Donc, les impôts locaux, ça représente à peu près 2% du patrimoine suivant la rue où tu habites, suivant également l'étage, suivant la superficie et suivant le voisinage que tu as. Attends, les impôts locaux. Ouais, mais on pourrait. Dans ce cas-là, les impôts locaux, c'est ce que tu gagnes, toi, dans une journée. Oui, oui c'est ce que l'on gagne dans une parle devant ton micro, Gérard, s'il te plaît. Ok. Merci. Excuse-moi, Manu. Pas grave. Donc, les impôts locaux, donc, en fin de compte, c'est ce que tu gagnes vis-à-vis de ton salaire. Ouais. Parce qu'on peut, en fin de compte, combien coûte une taxe sur les impôts locaux? Donc, on aurait pu rajouter, parce qu'avec Rigo. Oh, s'il vous plaît, derrière, on sait, merci. On aurait pu rajouter avec Rigo. Et c'est dommage que Rigo, il m'y a pas fait penser. Ouais. C'est nul ce que t'as fait, Rigo. Non, c'est pas nul. Ah, c'est bien. Au contraire, il m'a aidé. Mais on aurait pu mettre aussi sur la taxe d'habitation, tu vois. On bah a vas-y, pas bah parle-en. Donc, en fin de compte... Il n'est pas trop tard, hein, le débat, il commence. Donc on en parlerait tout à fait, mais c'est pas du tout la même chose, hein, Gérard. Ah ben, combien coûte une taxe sur les impôts locaux ou taxe d'habitation? Donc, c'est pareil. Bah si, parce que sur une taxe d'habitation, tu as payé quoi? L'habitation? Ah bien. Bah ouais, mais... Vas-y, Gérard, enchaîne. Non, mais de toute manière, sur une taxe d'habitation, tu es obligé de payer quelque chose. Ouais, mais tu payes quoi? Tu payes pour quoi, en fait? Bah, en fin de compte, tu payes sur le mètre carré que tu as chez toi. Tu payes pour la taille que, t'as, que tu possèdes là où tu vis dedans. Voilà. C'est ça, en plus fait. Tu en as, plus tu payes. Voilà. Plus t'as de carré, plus tu payes. D'accord. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est combien de carré? Non, attendez. Gros tétard. Ben non, mais ben en fait, ce qu'elle vient de dire, petite verrue, c'est que c'est plus tu as, plus tu payes, en fait, c'est ça, la mm-hmm. arnaque, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, à la limite, c'est presque, enfin, on va pas dire normal, mais c'est presque normal de payer des impôts. Enfin, puisque t'as une grande propriété, tu payes cher, quoi, c'est normal. Ouais, non, mais attends, gros tétard, parce que là, la question, c'est combien coûte une taxe sur les impôts locaux ou taxe d'habitation. Ouais. Mais il faut dire une chose, que t'en as beaucoup, qui ont pas beaucoup de revenus, qui ne payent pas d'impôts. Ah mais c'est normal ça, puisqu'ils ne peuvent pas payer d'impôts, puisqu'ils n'ont pas de revenus. Ouais, mais attends, par contre, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils payent pas d'impôts sur les impôts locaux, comme ils sont non solvables. Oui. Mais par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, et ça, je me demande si c'est pas la faute du gouvernement, mais ça, je veux pas en rentrer là-dedans. Non, rentre pas là-dedans. Pardon. Mais c'est ce que je comprends pas, c'est que ils nous font payer des impôts sur la taxe d'habitation. Donc la question est pourquoi payer? Alors si t'es non solvable, donc tu payes pas d'impôts, t'es d'accord? Mais si t'as pas de thune, tu payes pas, ouais. Bah oui, mais alors dans ces cas-là, pourquoi qu'ils nous font payer des impôts sur la taxe d'habitation? Ouais, parce que t'habites là-bas. Bah oui, parce que t'habites à Fleury. Mais non. Bah si. Mais attends, qu'est-ce que tu me parles de Fleury, toi? Non, je rigole. Gérard, à la place de Guy Bédo, on accueille Joe le taxé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Gérard, ça va? Salut Joe. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. D'où? J'appelle de Montreuil. 101.9. Ouais, exactement. Oh là là, tu as pris par cœur. Comment? Donc, avec qui j'ai donc on parlait de la taxe d'habitation et toi, les impôts locaux. Voilà, t'en payes toi? Moi, des impôts locaux, non. Mais je suis imposable. Mais ce que je comprends pas, je suis imposable. Ou t'en payes pas. Et t'es imposable où? Non, mais je suis imposable sur les impôts locaux. Ouais. Donc c'est ce que tu déclares avec ton salaire. Ouais. D'accord avec moi. Ouais. Mais par contre, il y a une chose que je comprends pas. Mmh. C'est pourquoi que je suis imposable là-dessus et que je paye des impôts sur la taxe immobilière. Mais t'es solvable? Ah ben non, je suis non solvable. Ah d'accord. T'es une grosse fortune, non? C'est pas logique, hein, Gérard. T'es dans les grosses fortunes. Bah oui. Tu te renseignes. Ah non, mais je me suis renseigné. Et alors? Ils ont rien voulu savoir. Mais précise-leur bien que t'es pas solvable. Donc, Gérard. Ouais, Rigo. Sur IRC, ça cartonne très fort ce soir vu que on est 8770. Déjà? Ah oui, joli. Combien? 8777. Bravo. Et il y a Davy One qui a fait un petit sondage auprès de l'association des montagnards de Bruxelles. Gérard. Auprès des montagnards de Bruxelles. Alors 15% des gens n'aiment pas le PAX. 25% des gens ne prennent pas le taxi. Et 65% des gens envoient régulièrement un fax dans ton cul. Ah, j'avais pas lu. Ah, j'ai un rigot. Bon, dis donc. J'avais pas lu la fin. Tu commences mal. Mais attends. Je crois que tu l'as confondu. Il a pas de bis au cul. Hein, justement. De manière, je vais voir. Je vais essayer d'étudier ce thème. Le phénomène. Je vais essayer d'étudier de près. Le prochain débat, je pense qu'on va faire un petit sondage sur un petit débat, le fax. Un petit débat sur les fax. Parce que j'ai entendu des trucs. Au standard, vous atteignez les micros parce que tout à l'heure, je vais m'énerver. Hein? Donc, vous arrêtez. J'appuie pourquoi? Non, c'est pas vrai. J'appuie. Oui. Manu, s'il te plaît, c'est moi qui commande aujourd'hui, d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Salut, Gérard. Pour l'instant, c'est moi qui demande aux auditeurs. Alors, pour l'instant, mais tu dis que c'est pas vrai. Ok, alors tu t'écrases. Alors, je pue. Oui, j'ai un. Donc, pour toi? Bah, pour la taxe d'habitation. Non, combien coûte une taxe sur les impôts locaux? Bah, comme disaient mes collègues, en fait, tout est calculé selon tes revenus. Mais il est de l'ordre de 2%, donc... plus tu as des réserves, disons, bah, plus tu donnes à l'État et plus tu te fais entuber, quoi. Non, faut se dire une chose, les déclarations, faut les faire avant le 15 mars. Ouais. Donc maintenant c'est terminé pour ceux qui sont en retard, ils vont payer les 10%. Ouais, ou 10, ouais. Bon, maintenant vous allez avoir selon, ils vont faire un calcul, ils vont voir. Et là, au mois de juillet, si je me trompe pas, si quelqu'un pouvait me dire... Le 15 août. C'est le 15 août, la date de paiement. Non, qui c'est qui peut m'épauler pour me dire quand est-ce qu'on reçoit à peu près les... La déclaration automatique. C'est avant les papiers pour savoir combien qu'on doit payer ou si on n'est pas imposable ou autre. C'est le 15 janvier, en début d'année. Ouais. Donc voilà. Ouais, voilà. 15 janvier, début mars. C'est entre les deux, la date exacte. Toi, tais-toi, parce que de toute manière, je pense que pour l'instant, ça se voit que le chef, il est pas là. Hein. Yeah. Ouais. Je vois pas où il était le problème. Non, mais de toute manière, la question, elle est claire. Annette, bon, maintenant, c'est de savoir, quand vous allez recevoir votre papier, de savoir combien que ça va vous coûter. Ça dépend. Par rapport à ton salaire et tout ça. Eh ouais, ça dépend. En chiffre, tu veux? Tu veux un chiffre? Non, j'ai pas besoin de chiffres. Qui c'est qui veut réagir derrière? C'est moi, c'est Gros Tétard. Ouais. En fait, tu vas payer selon ce que tu gagnes, comme on a dit tout à l'heure, quoi. Faut voir, quoi. Ça dépend de la personne. Comme toi, tu gagnes, je sais pas, c'est 50 000 à fun. Non, mais attends, ça dépend de ce que tu déclares. Ça dépend des mois. Hein. Non, ça dépend ce que tu déclares. Ouais, c'est oublié. Nuance. Non. Gros tétard. Ouais. Faut bien te dire une chose que quand tu déclares tes trucs sur les impôts, ouais. Normalement, t'as un papier comme quoi que tu dois déclarer tant. Bah, tout, quoi. Ouais, mais tout, c'est pas évident, hein. Bah, ça dépend. Il y en a qui fraudent, Gérard, non? Ouais. Non. Ah, Gérard. Non, moi, je fraude pas, justement. Mais il y en a qui sont payés au black. Et là, ils Gros tétard, je vais te dire une chose. Arrête de dire un Gérard, parce que tout à l'heure, moi, je vais te dire trois gros tétards, tu as dégagé. D'accord, je me calme, ok. Ok. Alors, maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas retourner voir Pildar au standard, il va te calmer un petit peu, parce que là, tu commences à m'énerver. Ok, Gérard. Hop. Ok, GG. Joue la taxe. Ouais, bah alors moi, comme on le disait tout à l'heure, moi je travaille au noir, donc je peux pas te dire en fait, Gérard, parce que moi j'ai pas d'impôt en fait. Ouais, mais ça, tu vois, on parle de ça, ouais. Mais c'est un truc qui faudrait peut-être pas trop, signaler. Ouais. Bah ouais, je sais, mais bon, c'est comme ça, quoi. Attends, 5 minutes s'il vous plaît, je te reprends tout de suite après, je la taxe. Oui, il y a une question IRC de Buzine. Il te demande si, en fait, s'il se fait taxer son vélo, est-ce qu'il doit aller au commissariat ou au ministère des Finances? Alors, s'il se fait taxer son vélo, ben, de toute manière, il va au commissariat, puis il porte plainte, et puis c'est tout. Hein. Il va se faire foutre aussi. Et s'il lui retrouve son vélo en pièce, de toute manière, les vélos, ça m'étonnerait qu'on le retrouve. Hein. Et Yankee. Bon, alors, là, je vais vous dire une chose. Manu! Je te préviens, tu arrêtes, c'est pas parce que Max c'est pas là, ouais. Maintenant c'est moi. C'est parce vrai. Que moi sinon, moi je mets la clé à 2h30. Sous la porte. Ok. Ok. D'accord. Alors les histoires de trucs comme ça, j'en ai ras-le-bol. Ouais, d'accord. On m'a volé mon vélo. C'est naze. Parce que sinon, je demande à Morgane qui vient de faire l'aria. Tu devrais pas, mais si tu veux. Non, hein, Gérard, c'est pas parce grave. Que là, ça commence à bien faire. GG, à la place de Gros Tétard qui est parti parce qu'en fait, il en avait rien à foutre. Bon, je l'ai viré. Donc, on accueille Ricky Martini. Bonsoir, Ricky Martini. Bonsoir. Bonsoir à tous, c'est Ricky. Parle bien fort, parle bien fort hein, dans ton téléphone, Ricky. Voilà. Buonanotte à tout le monde. Buonanotte. T'appelles d'où? Bonsoir, et j'appelle de Lille. La fréquence 108.8. 108.8. Oui, il y a deux fréquences. Ouais. Il y a à côté Roubaix et Paris. Si. Bon, je vois la taxe pour continuer là sur la question parce qu'après on va abréger. Oh! Oh, allô? Oh, Joe. Oui. Bon, allez, bonne nuit à toi. Hop, tu vas te réveiller au standard. Ricky Martini, là. Mais est-ce que tu peux répéter la question? Non, je répète plus les questions, c'est terminé. Pour les filles. Non. Oh non, eh oh. Les impôts locaux. Il était au standard. Alors les impôts locaux. Non, mais alors là. Effectivement. C'est pas grave, Gérard. Maintenant, il la connaît, la question. Alors, c'est pas grave. Les impôts locaux, il faut parler de l'urbanisation. Voilà, merci. Bah, allô. Allô. Il est là parce qu'en fait j'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès, excuse-moi. Vas-y mon grand. Allô. GG. Oui, il est plus là. Non, je t'explique parce que j'ai Joe Latax qui avait un problème de téléphone et en fait il parlait tout à l'heure, on ne l'entendait pas. Et là on a fait un essai et tu l'entends, Joe. Ouais, bah c'est bon. Bon, voilà, c'est bon. Maintenant Ricky parle. Mais lui, j'ai dit non, je ne le veux pas, il dort, il est hop. Mais non, parce qu'il t'entendait pas dans son téléphone. Non, mais moi je veux pas le savoir, ils ont des téléphones pourris, ils restent chez eux, ils écoutent la radio. Hop, terminé. Ok, c'est cool. Voilà, terminé, au revoir. Merci Gérard, c'était très sympa ton débat. C'est pas grave, au revoir, bonne nuit. Toi, vas-y. Alors, Ricky Martini. Oui, je te parlais de l'urbanisation, parce que moi je sais que dans ma ville, ils urbanisent beaucoup, et effectivement, ça fait grimper les impôts locaux. Donc, chez mon père, on paye beaucoup d'impôts locaux. D'accord. Ouais. Ok, tout le monde a répondu à cette question, donc on va passer à la suivante. À combien revient une contravention ou une amende? On va demander à Petite Berru. Ben, ça dépend ce que tu fais. Je pense que si tu te gares mal, ça coûte 75 balles. Si Attends, 5 minutes, Petite Berru. Encore Rigo qui vient me couper? Non, c'est moi. C'est moi qui te coupe, c'est pas Rigo, c'est moi. Alors, êtes-vous pour ou contre les taxes 34. Je peux savoir qui c'est qui a essayé de me trouver ça, là? C'est qui là par j'ai fait comme d'hab, j'ai retranscrit ça sur internet, j'ai pris ça là. T'as pris. C'était sur internet donc, c'est pas quelqu'un d'équipe qui a essayé de. Bah c'est moi, hein, mais c'est comme d'habitude. Hein. Ouais, non mais c'est des questions qui ont été posées sur l'internet. Ouais. Ok. Mais j'ai recopié sans regarder, hein. S'il y a des conneries, j'ai pas vu quoi. Bon, donc je te fais confiance à toi. Bah. Comme y a que toi qui fais du bon boulot. Ouais, t'as le droit de lui faire confiance. Et donc. Ouais. Alors, 34%... Devant le micro, Gérard, pour eux. Alors, êtes-vous pour ou contre les taxes? Alors, 34% sont d'accord avec la question. Ouais, mais de toute manière, maintenant, on a fini de parler des pour ou contre sur les taxes. 28% sont contre la question, donc je voudrais bien qu'on me dise pourquoi. Ouais. Et 17% aimeraient ne plus en contre... Quoi? Contracté? C'est quoi ça? Je sais pas. Fais voir. C'est quoi ce truc là? Aimerait ne plus être contre-taxé. Bah, contre-taxé, de toute manière, tu peux pas être que contre-taxé. Si, tu peux être pour-taxé, contre-taxé. Bah ouais. Mais est-ce que t'es contre, toi, les impôts locaux? Coupé, taxé. Attendez. Là, maintenant, justement, tu veux parler là? Ben alors maintenant, est-ce que tu payes des impôts d'auto? Est-ce que tu es d'accord contre la taxe? Ben ouais, mais j'en paye pas moi encore, Gérard. Ah ben t'en payes pas parce que t'as une pauvre ficelle. Ouais, mais t'as quoi? Non mais t'as quoi à déclarer? T'as rien du tout. J'ai rien, que dalle. Alors tu mets quoi sur ta déclaration? Ben rien. Une bulle. Voilà. Alors bravo. Tandis que moi, tu sais combien que j'ai déclaré cette année? Oh là là. Non, 720 000 francs. Non, bravo. Oh là. Non, j'ai déclaré 44 000. Waouh. Wow. Il y a du bleu à Sorel. Ah ouais. Gérard. C'est bien. Ouais. Et justement sur IRC, attends, je vais retrouver. Il y a merde, j'ai fait une connerie. Attends, ça arrive. C'est Alligator qui te demandait en fait la différence entre des impôts locaux et des impôts locaux. Les impôts locaux, il y a c'est pas la même chose. Hein. Ouais. C'est pareil. Il y en a un et plusieurs, c'est tout. Ouais, ça revient au même. La question que j'avais posée, c'est à combien revient une contravention ou amende. Et Gérard, donc, excuse-moi, à la place de Joe le taxé, on accueille Billy Joel. Eh ben, tu me fais une nouvelle fiche. Ok. Donc, petite verrue. Oui, Gérard. Donc, pour toi. Oui, je te disais, si tu as une amende parce que tu as mal garé ta voiture, ça coûte 75 balles. Mm-hmm. Si tu as une amende parce que tu as grugé les impôts ou tu as tué un mec ou tout ça. Ça non, attends, petite verrue. Oui, Gérard. Je te demande, je sais pas si tu as bien compris la question. Bah, si, j'ai compris. Ça, à combien revient une amende ou à combien revient une contravention ou amende? Alors, attends. Parce que là, faut bien que les auto-auditeurs se mettent dans la tête que la réponse que tu as donnée, petite verrue, ne va pas être bonne. Ah, bah, c'est pas parce grave, que moi, je vais dire une chose, une amende, tu sais ce que c'est? C'est parce que t'es mal garé, ouais. D'accord? Et une amende, c'est pas 75 balles, je suis désolé. C'est 75 balles. Non, c'est, mal. C'est 705, c'est plus. Ça dépend. Non. C'est plus. C'est 250 plus. Balles si t'en as 10. Non. Déjà, si t'es mal garé, déjà ta voiture, c'est déjà premièrement pour commencer, c'est 950 balles. Bingo. Hein? Et après, c'est justement, je pense qu'on avait vu avec Rigaud, je pense qu'on on peut mettre aussi la fourrière là-dedans. Hein? Ouais. C'est combien la fourrière ça? Donc tu prends un PV de 950 balles parce que t'es mal garé. Ouais. Hein, t'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Donc plus la fourrière. Quand tu vas rechercher ta bagnole, t'en as pour combien? 2000 balles. Et t'en as pour facilement 2000 à 2500 balles. Gérard, moi j'avais entendu dire qu'en fait plus les voitures étaient belles, étaient grosses, plus la contredanse était chère. C'est vrai ça ou pas? Non, parce que ça dépend comment les gens se garent. Parce que déjà sur les gens, si c'est une deux chevaux ou si c'est une Porsche. Non, mais même sans citer de marque, moi je peux te dire une chose, que devant chez moi là où j'habite, fais-moi confiance. Il y a des deux chevaux, oui. Il y a des Dodoch, il y a des BMW, il y a des Mercedes. Elle est volée celle-là. Il y a des Porsche, fais-moi confiance. Qu'elles prennent des amendes. Des Porsche. Avec les portes pour rentrer dans ton immeuble. Non, mais moi je vais te dire une chose. C'est très drôle, Manu, connard. T'as vu comment il me parle? Attends, hé! Toi, tu t'écrases parce que t'as 205, t'as mis 2 ans et demi pour aller la rechercher. Ok. Ouais, elle est comment ta 205? C'est une merde. Elle est pourrite. Non, c'est de la bombe bébé, vas-y, toi, connard. C'est de la bombe bébé. Ouais, t'as raison. Rigaud. Ouais, Gérard, il y a Davy One, maintenant qu'on connaît le prix des amandes, il voulait connaître le prix des pistaches. Ah, facile. Non, les pistaches, il divise en 4 et il me prend pour la tête. Mmh. Davy One, tu te calmes. Ricky Martini. Moi, je pense qu'une contravention, comme tu disais. C'est pas parce que le chef est pas là que vous allez me faire chier. Parce que sinon, moi, j'arrête. Hein. Un peu de respect, s'il vous plaît. Ouais, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord, Ricky Martini? Pour l'Amérique du Sud. Ouais. Un dos stress, quand même. Ouais, un dos stress, ok. Un dos stress, et t'as vu de la laisser. Ouais, tu réponds à la question, après on verra. Tu réponds à la question. Ouais, écoute, moi je prends effectivement des contraventions. Parce que moi je roule en scooter, en Vespa. Ouais. Tu vois, comme tous les vrais. Ah non, mais attends, là. Non, allez. Si. Oh, non. Non. Le vrai Latin lover, le Latino, il roule en Vespa. Et moi, j'ai vu. Ouais, peut-être. Est-ce que vous avez. Est-ce qu'en Vespa, il y a des PV en moto? Non, il n'y en a pas. Non. S'ils ont une plaque. Je mets pas le casque parce que j'ai la banane. T'as la banane du curé. J'ai Manger la par les deux M. Manger la banane par les deux bouts, ok? Voilà. Je vais te bouffer, moi. Là, moi je vais te bouffer, moi je t'emmerde, espèce de con, d'accord? Pas d'insulte. Donc tu commences à te calmer ton cul, toi, Billy Joel. Ok? Soyez poli. Hein, tu commences à, vous allez commencer à vous calmer parce que ça commence à me prendre la tête. Okay. Alors maintenant vous allez réfléchir. J'appuie pour répondre. Bon, ben en fait ça dépend. Attends 5 minutes. Mais ouais. Gérard, si les Vespa, si les Vespa ou les motos ont des plaques d'immatriculation quand c'est des 125 ou plus ou haute ou plus. Bon non, mets-moi en antenne parce que sinon je vais rien entendre. Prends des capotes quand même. S'ils ont des plaques d'immatriculation, les véhicules genre 125 Vespa ou autres, ils peuvent avoir des PV. Parce que non. Imagine qu'ils soient sur un passage clouté, non, bosquet ou dans un jardin public d'enfants. Non, mais moi je vais te dire une chose. Ouais. Déjà une. La première chose qu'il faut se dire, que lorsque tu te fais prendre par un radar, ouais. C'est la plaque qui est devant. Ouais. Devant, c'est comme sur une voiture, c'est le devant qui compte. L'arrière n'a rien à voir. Ouais. Donc, le mec en moto, il peut rouler ce qu'il veut sur l'autoroute ou autre, il ne sera pas pris en Vespa. En flash. Ouais. Voilà. Ouais, mais s'il est stationné. Et si les non les mais attends, mais qu'est-ce que tu vas mettre un PV sur une moto? Où est-ce que tu le mets d'abord? Où tu le mets déjà? Où tu le mets? T'as vu un essuie-glace? Non, sur la vitre. Sur la vitre. Ah ouais, non, mais t'as déjà vu un Vespa avec une porte. Avec une porte et un essuie-glace. Non, mais t'es complètement con, toi. C'est vrai qu'à trois, c'est vrai, il y a trois. Ils sont tellement cons. C'est chaud, là. Ouais, mais de toute manière. Ça, ils vont faire une descente, hein. On cautionne pas, nous. Ouais, fais gaffe. On cautionne pas, il y a que Gérard qui a dit ça. C'est chaud, petit cul. Ta gueule, PD. Bon, Gérard? Ouais, sur IRC, il y a Twiggy, il te demande, parce qu'il a vraiment l'impression que ça te gêne, et en fait, il voulait savoir si... Non, mais je t'écoute, hein. Il voulait savoir... Non, Manu, s'il te plaît, tu t'arrêtes. Apolline, au lieu de t'amuser avec ton stylo, t'essayes de me prendre des auditeurs, quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de te regarder, Tu fous rien. Tu fais ça, tac, tu tures les ongles, hop, je regarde mes ongles, donc c'est pas bon. Alors, c'est pas parce que Max est pas là, maintenant que c'est avec moi le jeudi, c'est pas parce que Max est pas là, maintenant le jeudi, tu vas faire ce qu'on te dit. Donc tu vas prendre des gens au standard. Allez, Max, il y a pas que fil d'art, hein. Ouais, merde, j'en ai marre. Alors, merde. Donc, pour finir, Rigo. Donc, en fait, c'est Twiggy sur l'IRC, il te demande si ça te gêne pas d'avoir été taxé sur ton QI. Là, je comprends pas la question. C'est bien ce qu'il dit. Ah, c'est normal. Ils t'ont tout pris, quoi. C'est exactement ça. Donc, Billy Joel pour terminer. Oui. Et après, on va faire une pause. On va faire une petite pause. Ouais, t'as des KitKat. Oh! On va se calmer un peu, là. Mets ton dard dans ma chatte. Non, mais attendez. Non, mais les PV, déjà, sur les scooters, c'est impossible. Alors, attends, Billy Joel. Ouais. Je préviens. Quoi? Que celui qui s'amuse à faire ça... À faire quoi? Est prié d'arrêter, parce que sinon, je claque les débats maintenant. C'est non, grave. C'est pas le moment. C'est pas possible. Donc, moi, le chef est pas là, c'est moi qui commande ce soir. Donc, je préviens d'une chose, que le premier qui fait une connerie sera viré. C'est normal, oh, calmez-vous un peu. Oh. Alors, Billy Joel. Ouais. Ben moi, en fait, non, j'ai jamais pris de PV. Et puis, non, les PV, c'est pas cher. Toi, te marre pas non plus que tu prends les gens au standard et tu t'écrases un peu. Parce que la semaine, tu fous rien. Alors, le jeudi, bosse. Allez, ma puce. Donc, Billy Joel, pour continuer, je m'excuse de t'avoir coupé plusieurs fois. Ah, mais c'est pas grave. Non, ben moi, je disais que j'avais jamais pris de PV, mais je suis en scooter, mais j'ai jamais pris de PV, puis moi, je pense que c'est pas cher les PV quand même en scooter. Hein. Non, mais alors donc, pour revenir à la question à Fildar, ouais. Où qu'on peut mettre les PV sur un scooter? Ben, je pense qu'on peut se l'agrafer sur la roue. Non, mais attends, je pense pas. Hein. Non. Et du scotch? Non, non, ah ouais, du scotch sur la roue? Ouais, tu mets une punaise? Non, je pense pas. Ah, je pense pas. Style, hein. De manière. Tu colles? Ouais, non, non, oui, tu colles avec quoi? Avec un glue. Avec une OCB. Ouais, c'est ça, avec de l'OCB, puis quoi encore? Avec une OCB, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est ça. Donc, troisième... qu'est-ce que je voulais... Qui c'est qui a pas répondu? À toi? Bah oui. Bah si, moi, j'ai répondu. Qu'est-ce que t'as dit? Bah, comment? C'est alors bon, là, j'ai coupé, Gérard, j'ai coupé, c'est bon, on enchaîne. Donc j'ai répondu à la question, donc je vois pas pourquoi que je vais en rajouter plus. J'ai répondu dessus. Bah répète-le, j'ai pas entendu. Bah mets-toi à côté, de manière, répète. Bah j'ai bien précisé ce que... Tu peux pas te baisser un peu avec ton fauteuil, là, on dirait. Non, j'aime bien être... Mais c'est impossible. Voilà, je me mets comme ça et c'est tout. Je me mets à ma façon. Non mais Gérard, tu vas jamais le rester. Regarde, tu t'éloignes déjà. Vaut mieux que tu baisses ton siège. Non mais... Allez, baisse ton siège. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, réponds. J'avais répondu que, de toute manière, une contravention, ça te coûte 900 balles, plus la fourrière, donc t'en as pour 1600. Facilement 1600 balles à 2000 balles, ça dépend, sans compter. Parce que selon combien de temps t'attends pour aller chercher ta voiture, il y a un truc par jour. Ouais. T'as des frais par jour à payer en plus. De l'argent dans le parc-mètre. Non. Non, parce qu'une fois qu'elle est à la fourrière... T'as pas besoin de payer le parc-mètre. Pour boire au mec qui t'a dépanné. Ouais, t'as raison. Donc la troisième question, c'est comment arrivez-vous à payer votre loyer ou autre? Et on va s'écouter les petites contraventions avec mets-moi une prune dans l'arrêt, en espérant que c'est les bons disques cette semaine. Et voilà, vous venez, donc vous êtes toujours sur Fun Radio sur 101.9, donc au standard c'est Fildar et Apolline qui vous attendent, mais Apolline pour l'instant elle est en train de rien foutre, donc dimanche j'aime pas... Non, mais attends, t'es en train de t'écurer les ongles, tu viens de regarder le truc à Manu, donc Rigo s'il te plaît, si tu pouvais me retirer... Ouais, regardez juste si elle pouvait se le mettre où on pense, le micro là. Voilà. Il y a la place. Donc, tu le donnes à Manu, c'est un peu trop petit en fait. Tu le donnes à Manu, comme ça... On n'en parle plus. Ah, ça y est, il est bon, il est rangé. Non, elle va s'occuper du standard parce que ça commence à bien faire. C'est vrai, ça. Parce que sinon, moi, dimanche, je vais faire mon petit rapport auprès de mon chef. Donc Apolline et Fuldar vous attendent au standard. Donc, ça se passe bien, Gérard. Manu, oui, qui est toujours à l'AREA. Bonsoir. Ouais. Donc, rebonsoir. Pas une connerie, rien. Et Rigo sur l'internet, donc www.fr. Oui, toujours. Radio. Et on est combien? Là, on a dépassé les 9000, on est 9002. Eh, hey, joli quand même. Hein. Ouais. 9002. Pour l'an 2000, c'est bien pour l'an 2000. Voilà. Ouais, ben, pour. Il est à peu près. Ah non, pour le débile, excuse-moi. Pas l'an 2000. Il est 0h52, donc 9002 personnes, c'est pas mal, je trouve. Juste avant que tu reprennes, il y a Big Canard, en fait, il te demande comment ils font les Belges quand ils prennent une amende en France. Ah, justement. C'est une bonne question. Voilà, la question que j'attendais. On revient sur la question de. Ouais, mais c'est pas grave, non, mais tu peux répondre rapidement. Ouais. Comment qu'ils font quand ils prennent une amende en France? Eh ben. Il la paye pas généralement. Si, il la paye, mais il la paye une fois qu'ils Qu'ils rentrent chez eux? Ouais. Pourquoi? Mais disons, ils essayent de voir où ils se sont garés. Je pense que s'ils se garent mal, il y a des petits problèmes là. Mais en Belgique, ils roulent pas dans le même sens que nous. En Belgique, je sais plus comment. Ouais, c'est inversé, ouais, c'est pour ça. Ouais. Non, il se gare comme tout le monde. De manière, en Belgique, j'ai jamais vu encore en Belgique. Des PV? Des PV, hein. Ouais, mais en France. En France, non, mais les Belges en France, ils se prennent des PV? Jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu, hein. Ah merde. Je sais pas si quelqu'un en a vu dans l'équipe de voir des Belges qui se prenaient des PV en France. Ouais, moi j'ai vu dans le métro. Ouais, mais j'ai vu un groupe de Belges, ils parlaient belge et ils sont tous pris une amende. Ah, ils se sont fait choper, ouais. Ouais. Ah, t'as pas le droit de parler en belge dans le métro, ils parlent. Bah, c'est pour ça qu'ils ont eu une amende. Mon bout sur Minitel, qu'en fait, il s'est fait choper un Belge. Non, mais attends, parce qu'il a passé sa carte bleue au lieu de sa carte orange. Mais non, le Minitel, il fonctionne pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais si, regarde, il y a marqué répertoire, code, tout ça, il fonctionne. Ouais, non, mais il fonctionne pas. Laisse tomber. Il est naze. Il est naze, le Minitel. Donc, comment arrivez-vous à payer votre loyer ou autre? On va demander à Petite Verru. Oui. Oui, merde. Ouais, bah merci, merde. Gérard, non, c'est parce que j'étais partie. Tu peux me répéter? Oh non. Bon, bah c'est pas grave, je répondrai après les autres, après. Ah, non, bah alors, dans ce cas-là... Comment payez-vous votre loyer ou autre? Attends, Fildar. Non, ça y est, je me souviens. Moi, j'ai trouvé un truc super, c'est que je travaille. Mmh. Donc, là, j'ai de l'argent. Ah, et comme ça, je peux payer mon loyer. Et tes impôts. Et mes impôts, de surcroît. Ah, joli, joli. Mais de toute manière, si tu travailles, t'es obligé de payer tes impôts et ton loyer. Ouais, mais bon, c'est quand même une bonne idée de travailler. En fin de compte, ça dépend, Gérard, ça dépend. Il y a des gens qui sont pas imposables. Ouais, ouais, ben ça, de toute manière, il y a des gens qui sont non imposables comme moi, mais moi j'ai dissolvable. Mais qui paye quand même. J'ai niqué quand même dans l'histoire, parce que si t'es pas imposable et que tu payes pas, et que tu payes quand même, tu te fais niquer. Tu te fais niquer, t'es enculable. Ouais. Pénétrable. Alors, enculable, c'est qui vient de dire ça? Il a raison. Bah oui, c'est vrai. C'est qui vient de dire ça? Tu devrais pas payer si t'es pas imposable. C'est qui vient de dire ça? Vas-y, réponds, l'auditeur. Qui personne. C'est qui vient de dire ça? Ouais, alors, c'est Billy Joel, au revoir. Ah non, non, non, c'est pas Billy Joel. Non, non, tiens, mon cul, j'ai pas reconnu. Moi, je vais gérer, c'est pas grave, vas-y. Hop, ouais. Au revoir. Je vais gérer. Ricky Martin. Oui. Ricky Martini, pardon. Oui, ben bah, écoute, moi, je conseille effectivement le travail. Ah, mec, non. Maquet. Oh! Sinon, il y a aussi quelques business, pas très légaux. Donc, je sais pas si j'ai pu en parler à l'antenne. Dis. Vas-y, balance. Je sais pas, trafic, recel, prostitution, trafic d'armes, tout ça, quoi. Non, mais ça a rien à voir, ça a rien à voir avec, le thème du débat, là, Non, allez, au revoir aussi à toi. Hop, Gérard, je suis pas d'accord. Il a raison. Quoi? Bah, je suis pas d'accord, c'est je pue. Allez, hop, au revoir, Ricky Martini, là. Oh! Gérard. Au standard, là, vous me gérez ça, là? Ouais. Gérard, à la place de... Non, mais attends. Moi, je vais te dire une chose. Que vous allez... Les gens, quand je vous dis de les virer, vous les reprenez pas sur d'autres noms. Mais non, bien clair et net et précis. Précis. Gérard, c'est je pue. Ouais, je t'écoute. Attends, pour l'instant, il y a une question plus importante de l'IRC. Oh, je pue, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? C'est Gérard qui commande. Et voilà. Vous le faire. Oui, maître. Donc, bon, il y a Snooze qui te demande si tu sais qui a le record d'impôt le plus élevé. Je pense que je sais. Devrait être les États-Unis qui payent le plus, qui doit payer le plus. Non, la personne, on parle. Ouais, pas le pays. Ah bah, de toute manière, la personne qui paye le plus d'impôts, c'est celui qui touche le plus d'argent, donc... Lady Di. Je... Non, certaines scènes, dis pas de conneries. Je sais pas, c'était une princesse. Et attends, Ayrton Senna, il faisait de la Formule 1, il gagnait du fric, je te dis. C'est énorme. Bon, Manu, quand t'auras fini... Bah non, c'est une discussion. Non, mais pour l'instant, vous arrêtez de discuter ensemble, c'est moi qui commande aujourd'hui, d'accord? Non, mais on se demande entre les deux. Ouais, on en a rien à foutre, pour l'instant, je réponds... Qui s'est passé le plus fort entre les deux? Toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Gérard, à la place de, donc, comme je te disais tout à l'heure, Billy Joel, on accueille Slip en bois. Oui, bonsoir tout le monde, salut GG, ça va bien? Salut, est-ce que ça peut te foutre? Ok. Bon, moi, je te demande, il n'y a pas de problème. Ciao. Voilà, et donc, tu t'accouches quand tu veux. Comment ça souffle? Donc, on va demander à Jopu. Ouais, bon, alors, je disais que je n'étais pas d'accord avec toi, dans le sens où notre collègue, il te disait tous les moyens pour payer, justement, ses impôts. Si tu n'as pas de thune, tu ne peux pas payer tes impôts. Non, mais attends, Jopu. D'après ce que Ricky Martini disait, il s'amusait à faire des trafics d'armes et tout ça pour payer. Donc, moi, il est hors de question. Donc, lui, on lui a dit au revoir. Non, donc, au revoir. C'est juste un exemple. Je veux dire, les mafieux sont des gens comme les autres. Hop, au revoir. Ok. C'est mieux que le chômage, hein. Eh, mais Gérard. Ouais, comme ça. Partout, des mecs comme ça. Non, mais de toute manière, attends. Des trucs comme ça, d'accord, il y en a un peu partout. Mais faut bien se dire une chose, c'est pas avec ça qu'on peut vivre. Donc, je suis désolé. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas avec ça. Mais ça rapporte beaucoup, et comme la drogue, comme plein de. Oh non, mais attends, là, tu pousses un peu loin sur la drogue. Non, mais là, tu t'éloignes de la question. On en parlera dans le débat de l'aide humanitaire, de toute façon, de la drogue. Non. Quand ils envoient des sacs de drogue, enfin bon, on en parlera. Non, justement, on n'en parlera pas sur l'aide humanitaire. Pardon. Et justement, sur l'aide humanitaire, ouais. Donc c'est bien que tu fais illusion au débat. Illusion, donc, c'est pas grave, illusion. Ça te permet d'enchaîner, Il y a une question qui va bien falloir... On verra ça tout à l'heure, ouais, tu vois. On s'en fout, on verra ça tout à l'heure, là, on est en train de parler des taxes. Gérard. Ah, c'est les taxes, gros. Je te préviens, je crois que t'es un petit peu vite là pour me changer l'auditeur, toi. Mais non, regarde, on a des gens d'avance là. C'est bon, regarde. Non, c'est parce que je l'avais trouvé, donc. Voilà, ouais. Si, si. T'as trouvé quoi, toi? T'as trouvé la main de ma soeur dans un culotte d'un zouave. Alors, fais déjà ton boulot correctement, parce que pour l'instant, attends, Rigaud, s'il te plaît. Oui. Tu peux me contrôler, est-ce qu'elle est prise sur ses feuilles? Des noms d'auditeurs. Ouais, tu peux. C'est vrai, c'est des noms d'auditeurs. Ah ouais, fais voir. Non, mais c'est le débat, Gérard. Non, mais attends, parce que moi. Là, tu fais pas le débat. Alors Ouais, bien sûr, carrément avec l'adresse, ça veut mais dire ouais, quoi. Mais ouais, c'est pour envoyer un CD. Non, mais attends. Hé, police, ça va pas ou quoi? Elle donne des tu te crois où, là? Non, mais t'es starbé ou quoi, là? Tu prends des adresses pour envoyer des CD. Depuis quand, là? Depuis ça? Mais attends, bizarre. J'ai pas vu. Oh non, mais calme-toi, Pauline, putain. Merde. Ça va pas, non? Gérard. C'est pas vrai, Pauline, calme-toi. Bon. Non, mais attends, dimanche, de toute manière, t'es grillé, quoi. T'es saqué, on te sac. Hein. Toi, dimanche... Fini. Ok. Oh là, attends, de toute manière, la paye, on va la garder. Ouais. Je vais direct dire. Au flic, c'est ça? Ouais, non, mais je vais la garder, je vais faire voir ça à Max. Au tribunal. Parce que ça va pas, non? On te demande de prendre des auditeurs, toi, tu me prends des gens pour des CD. Qui c'est qui t'a dit qu'on gagnait des CD le jeudi? Personne. C'est toi, en début de débat. Ah bon, c'est moi! Non mais t'es pas un peu folle là! Espèce de pétasse! Bravo. Alors tu dégages, hop! Tu vires! Ok! Tu vires! Okay. En plus, c'est ce qu'elle fait gagner, des CD de remix. Bravo. Alors tu vires! Hop! Bravo. Au revoir! Avec le truc sur ça. Allez, au revoir! Ouais. Et ce premier, va pas t'amuser à faire des stimulations. Parce que là, fais-moi confiance que tu vas prendre ma main dans ta gueule. Alors, ce premier, fais gaffe à toi. Ok? Au revoir. Gérard, donc on continue le débat? Ouais. Donc... Et d'ailleurs, à propos de ça, moi j'ai un message Minitel. Ouais. Je comprends pas, rien à voir avec le débat. Il nous dit, est-ce qu'elles sont bonnes, Agathe et je sais plus qui. Ah. Babe. Donc, qui c'est qui a pas répondu donc, à la moi, question? Moi, j'ai pas répondu. Je puis deux secondes, merci. Donc, à la place de Ricky Martini, on accueille Dick Rivière. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salut Dick. Oui, bonsoir. Salut. Dick Rivière. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Allez, bonsoir. Salut, monsieur Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de Amiens. Ta fréquence, s'il te plaît? 98.7. 98.7. Slip en bois, t'appelles d'où, s'il te plaît? Moi, j'appelle de Paris, donc 101.9. 101.9. Donc, j'ai ta fréquence. Donc, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai pas répondu, donc j'ai Si, t'avais répondu, tu me disais que t'étais pas d'accord avec moi. Ouais, j'étais pas d'accord. Donc, alors, explique-moi pourquoi. Parce que, comme tu dois payer tes impôts, tu dois trouver de la thune. Si t'as pas de thune, tu payes pas d'impôts, de toute façon, c'est clair. Donc, si tu dois les payer, c'est que tu en as. Et si non, tu mais en as... je pue. Je vais dire une chose. Quand t'es déclaré, par exemple, si t'es au chômage, automatiquement t'es obligé d'avoir une déclaration. Comme quoi que t'es au chômage. Que t'es au chômage, les ACEDIC. Ouais. Si tu touches les ACEDIC, tu reçois tous les ans, pour faire ta déclaration d'impôt, un papier avec ce que tu dois déclarer. Avec les justificatifs, ouais. Donc, pour le loyer, donc automatiquement... selon le loyer que tu as payé, vis-à-vis de ce que tu touches, c'est sûr que tu as du mal à le payer. Bien sûr. Vis-à-vis de ce que tu touches. Par exemple, admettons que tu touches... On va prendre des exemples en chiffres, parce que sinon... Comme ça, vite fait, on va prendre à peu près 2000. Si tu as un loyer de 2500 francs, il te reste quoi derrière toi? Sans compter l'EDF. Parce que si on retire 1500 francs de loyer plus EDF, en fin de compte, après, t'as quoi? T'as plus rien. Bah, moins 1000, hein. Que dalle. T'as que dalle pour manger. Mm. Bon. Enfin, on va pas s'éterniser là-dessus, donc... Avec un livre. Alors, slip en bois pour toi. Ouais, moi, j'étais perdu puisque j'étais au standard. C'est bien la question sur le logement ou c'est celle d'après? Non, c'est comment arrivez-vous à payer votre loyer ou autre? Ouais, donc voilà, bah moi en fait je paye pas de loyer. Donc te fous pas de ma gueule parce que t'étais pas au standard. Bah Bah si, tout à l'heure. Enfin, non, tu n'étais pas au standard parce que tu as bien écouté les questions. Ouais, excuse-moi. Alors, Gérard, te fous pas de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule, il n'y a pas de problème. Ah, donc, ouais. Moi, en fait, je ne paye pas de loyer, enfin, à moitié, parce que je squatte chez des potes. J'arrive et puis on se partage le loyer à deux. Ah, ouais, mais alors, des fois, je squatte chez d'autres personnes et ça me coûte que dalle, en fait. Bon, alors, la question que je vais te poser. Ouais. Comment t'arrives à faire pour aider ceux qui t'hébergent? Bah, je les paye, quoi. Avec alors, quoi? Des fois, avec de l'argent. Si t'as du monde derrière toi, c'est pas la peine. Ah non, j'ai personne derrière moi, non. Non, mais attends, tu les payes comment? Bah, ça dépend, je leur rends des services. Oh, s'il vous plaît Je leur rends des services, je fais la vaisselle le soir, le ménage, et puis ça compense. T'achètes des courses? Ouais, je fais des courses, ouais. Tu payes en nature? Ouais, aussi, des fois, ouais. Attends, j'ai plein de trucs, quoi. Donc je fais plein de petits services. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? C'est quoi? C'est quoi là cette histoire? Pildar, je te préviens. C'est pour ça que toi aussi, dimanche, t'es bon pour un rapport. Bah, arrête. Hein alors slip en bois, tu lui dis au revoir. Mais il a du monde derrière. Il a du monde derrière. Salut, ta gueule. Hop, au revoir. J'ai pas de chance, moi. Laisse tomber. Ouais, t'as pas de chance. Gérard, Dick Rivière. Une seconde. Ouais. Attends, Dick Rivière, 5 minutes. Une seconde, je voulais que tu précises parce que ça te concerne. Il y a D-Light sur l'IRC, il a entendu dire que à Suresnes, il y avait un truc qui puait tellement que les gens qui habitaient Suresnes, ils étaient plus imposables sur le loyer, c'est vrai? Non. De votre manière. Parce que lui, il habite Suresnes et il me dit à chaque fois qu'il ouvre ses fenêtres, c'est impossible l'odeur qu'il y a, quoi. Ça va aller non, mais attends, il y a. Sa question, elle est nulle. Bon, Fildar, tu t'écrases, s'il te plaît, tu me vires déjà celui que je viens de te dire. Si toi, t'auras un rapport. Ouais, parce que de toute manière, dimanche, t'es bon aussi. Ok. Moi qui bosse bien. T'es quand même mon pote, merde. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Tu me prends pas les mêmes. Tu me changes pas les gens avec d'autres noms. Parce que je te vois faire. Parce que là, sur les lignes que vous faites, personne prend. Ouais. Allez, vas-y, mon con. Ouais, vas-y, mon con. Alors, moi, je t'emmerde, espèce de PD. Excuse-moi. Moi, je t'emmerde, espèce de PD, d'accord? Je voulais dire, excuse-moi. Alors, moi, je vais te dire une chose, à 2h30, j'arrête. Ça, tu vas te faire enculer. Excuse-moi. Non, tu vas te faire enculer. Excuse-moi. C'est tout. Moi, à 2h30, je me casse et c'est tout. Donc, tu m'as pas. T'as vraiment pas envie de bosser, quoi, en fait. Donc, pour la question. Pour la question que l'auditeur a posée sur l'internet, ouais. Donc je pense pas qu'il y ait plus d'impôts. Non, moins justement qu'il n'y ait pas d'impôts sur les loyers de Suresnes, bah, à cause d'une forte odeur qui émane d'un endroit que je ne peux pas dire. Je vois pas ce qu'il veut dire. Je comprends pas la question. Ok. Donc, et si je puis, j'ai compris moi. Richie Rivière. Non, Dick. Dick Rivière. Oui, bah écoute. Pour répondre à la troisième. Ouais, j'ai la chance d'être propriétaire. Donc je paye pas de loyer. Ah bah oui, mais ça. Ah ouais, mais ouais. Bah, non mais oui, mais c'est voilà, sûr parce que t'as acheté. Non, j'ai de l'argent qui est placé. J'ai fait un héritage parce que je suis d'une famille relativement riche. Et donc je n'ai pas de loyer à payer. C'est plutôt. T'as placé en Suisse? Non, pas du tout. Mais il y a des gens qui me payent des loyers, donc voilà. Ah ouais, bah donc quand tu pars, par exemple, quand tu pars en vacances, tu mets ton truc à louer, et comme ça, quand tu reviens, fin de compte, Dick Rivière, tu mets ton... T'es propriétaire, c'est bien ça ce que tu viens de nous dire. Tout à fait. Bon, donc, quand tu pars en vacances, t'essayes de trouver quelqu'un pour louer. Non, j'ai pas besoin, j'ai des domestiques pour garder ma maison et je loue mes autres propriétés à travers le monde. Ah ouais, mais donc les personnes qui s'occupent de chez toi, ouais. Quand t'as des... Quand, parce que tu loues, de toute manière, en fin de compte. Ah bah non, moi je les paye parce que c'est mes employés. Oui, non, mais tu t'essayes de louer pour pouvoir payer tes employés, c'est ça? Ouais, tout à fait, oui. Ouais, bah donc... Donc on en revient pareil, donc on revient sur les impôts locaux. Et moi je sais pas du tout comment les gens ils font pour me payer leur loyer, tu vois, je sais pas si c'est avec l'argent de leur travail ou quoi que ce soit. Ouais, donc, mais ça tu vois, la boucle est bouclée, quoi. J'ai bien qu'une boucle. Ouais. Pildar, t'éteins ton micro s'il te plaît. Celle-là, ça commence à ça commence à bien faire. C'est pas parce que le mec... Non, mais attends, c'est pas parce que le mec c'est pas là. Donc c'est moi qui commande. C'est pas toi le responsable ce soir, c'est moi. Et c'est pas parce qu'il est pas là que tu dois te barrer à 2h30. Hein. Ouais, moi, si, tu fais pas non plus ce que tu veux à 100%, quoi. Ouais, mais moi, si c'est le bordel, il y a que toi qui fais pour l'instant et Manu qui font du beau moulot. Hein. Donc, c'est alors, clair. Continuez tous les deux. Et dimanche, de toute manière, j'aurai mon mot à dire. Parce que l'autre s'amusait à dire je prends une adresse pour envoyer des CD. Ça, je suis désolé, ça c'est jamais convenu dans les débats du jeudi. Ouais. Ça n'a jamais été convenu comme ça. Hein. Ouais. Alors, quatrième question. Est-ce que les pervenches tuent les contraventions? Les contraventions. Ah ouais. Bah, de manière, qu'est-ce que tu viens pas raconter là-dedans? C'est pas toi qui a appelé. Non, et de manière, toi, je vois plus que tu m'appelles pour les débats. Ouais. D'accord, je veux que ça soit Grégo, c'est prévu. C'est prévu avec Max. C'est Grégo qui m'appelle. Okay. C'est pas toi. Ok. Gérard, à la place de Slip en bois, nous accueillons Paul Prébois. Excuse-moi. Ouais. Bonsoir. Alors, je vais te dire une chose. Salut Gérard. Un conseil que je te... 5 minutes, s'il vous plaît, avant que je t'accueille, Paul Prébois. Excuse-moi. Un conseil que je te donne. Oui, mon cher. Ne t'amuse pas. À changer les auditeurs. Non, mais c'est jamais les mêmes. Ouais. On a des auditeurs d'avance, donc tu lui dis bonsoir et tu fais ton débat. Il y va, Gustave. Ouais. Salut. Alors, Paul Prébois, t'appelles-nous? J'appelle Denis. Salut. Ça va? Ça va très bien, merci. Au revoir. Salut. Et la fréquence? 104.2. Je vais contrôler parce que ça m'étonnerait. D'accord. Pas de problème. Donc la question, est-ce que les pervenches tuent les contrebassions? Donc c'est une question qu'on a vue avec Rigaud. Mm-hmm. Et donc on va demander à Petite Verru. Merci Rigaud. Oui, pour faire déjà les questions de l'IRC. Alors en fait les pervenches... Ah non, mais c'est pas des questions d'IRC. C'est pas les questions IRC, c'est les questions qu'on a vues avec Rigo quand il m'a téléphoné. On a dit on met ça et c'est tout. Non, mais ça, c'est vous avez beaucoup méfié, Rigo. Question du 9-4. De quoi? Excusez-moi. T'avais beaucoup méfié, non? Hein? T'avais beaucoup fumé avant d'écrire ça? Non, pas trop. Non, je sais pas. S'il vous plaît, le débat. Bon, je vais te répondre, Gérard. Oui, il y a des taxes aussi sur le shit, Rigo, on parlera tout à l'heure. C'était Dreamy qui en parlait sur l'INC, mais on va enchaîner le débat. On va pas enchaîner le débat. Allez, GG, là-haut. Je te réponds. Petite Verru et les autres, vous calmez, s'il vous plaît, merci. On s'explique. Les pervenches, elles ont un carnet de contravention. Il faut qu'à la fin de la semaine, ce carnet soit fini. Malheureusement, il y a des semaines où elles n'arrivent pas à le terminer, donc elles partent en campagne avec leur fusil, elles jettent les carnets en l'air et elles les tuent. Non, mais ça, je m'y attendais. Je m'y attendais gros comme une maison. Je m'y attendais gros comme une maison à ta question. Je savais ta réponse d'entrée, que tu allais me dire, ouais, à la fin de la semaine, si mon carnet n'est pas rempli, je l'envoie en l'air et je tire dessus. Le con. Je m'y attendais. Je pue. Oh, la bouse. Oh, le cave. Eh, vous calmez, là, les deux, là. Eh Gérard, on n'a pas besoin de répondre, tu connais déjà nos questions, c'est même pas la peine. Ouais. Bon, alors... Une réponse sur IRC ou quoi? Non, mais donnez-les toujours. Ouais, ah oui, c'est vrai, on quand les même. Donne. Bon. Faites pas de la radio pour Gérard. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui balance nos réponses sur IRC, c'est pas malin, moi j'aime pas trop. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. C'est traître. Pour l'instant, les questions, elles sont pas sur IRC. D'autres. Non, ok. Des réponses. Ouais, non, mais même les réponses, elles sont pas sur l'IRC, d'accord? Okay. Alors, si ça vous plaît pas, vous retournez tous au standard. Non, ok. Et en de bon entendeur, vous répondez correctement, sinon je vous casse. Ok, pas de problème. Les deux nanas, là, vous commencez à vous calmer aussi, vous. Parce que vous commencez à me casser les couilles. Ok. Alors, je pue. Ouais. Bon, alors, déjà, elles ont pas le droit de tuer. C'est un crime. Et elles risquent de faire de la prison. Donc, je vois pas comment elles pourraient tuer les contraventions. Est-ce qu'elles portent une arme, Gérard? Est-ce qu'elles portent une arme? Non. Pourquoi? Elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit, c'est bon. Ah, si. Elles ont des étoiles. Non! Si! Oh! Hey, les deux câbles, là, vous fermez vos gueules. Je suis pas d'accord. C'est pas Gérard. Et est-ce que c'est vrai comme dans la pub, elle peut pas mettre un PV à une saxobique? Ouais. Non. Alors là, ouais, tu me les coupes là. Tu me vires ça, tu me reprends d'autres personnes. Là, j'en ai ras le bol. Non, mais c'était une bonne question ça. Mais oui, mais ils peuvent répondre. Attends. C'est toi qui me poses une question, c'est pas eux. Bon, bah non, mais c'est alors, pas. Alors qui permet un peu leur gueule là, les deux pétasses et les deux câbles. Non, bah calmez-vous les auditeurs, Gérard répond à ma. Non, tu allais prendre leur antenne et tu allais me les calmer. Ouais. Parce que sinon, moi, ça va aller vite. Gérard, pour calmer le débat, il y a Pierre-Luc qui demande à Odeline Fion de se reconnecter. Ah ben, voilà. Super. T'as deux trois bonjour. Deux trois bonjour à passer. Non, juste une question de Mayenne, en fait. Il y a un mec qui s'appelle Stéphane qui lui a dit que. C'est juste là qu'on se calme, Gérard, il l'a dit. Attends, il gère les auditeurs. Mais Gérard, reprends. Hey, Gérard, laisse-le. Ferme un peu ta gueule, quoi. Il gère les auditeurs. Bon, sur quoi l'antenne? Eh, hey, tu fermes un peu ta gueule. Mais j'ai pas le micro allumé, mais. Non, mais tu fermes un peu ta gueule, j'ai pas besoin d'entendre ce que tu dis aux auditeurs. Bah, moi, je prouve que je bosse, quoi. Ouais, mais moi, je veux entendre ce que Rigo, il me dit. Donc c'est tout. Aussi, toi, tu vas autant... Oh j'arrête. Qu'est-ce que je viens de dire? Ok. Donc, en fait, il y a Mayenne qui dit que son pote Stéphane, il lui a dit que t'étais pas imposable parce que t'étais le fils de Jospin. Ah non, mais ça... attention. Là, faut, on va pas parler politique là-dedans parce mais non, que... Non, Gérard, c'est pas le fils de Chirac. Oh c'est pas le fils de Chirac. Mais non, c'est con. Bon, Gérard, on continue. On continue, Gérard, c'est rien. Il est en train de gérer les auditeurs. On continue. Au rapport dimanche. Hop. Allez, hop. Allez. Comme Apolline. Hop. Allez. Et donc, c'est Manu, c'est Rigo qui va prendre la relève. Le standard C'est Rigo qui va te remplacer. C'est Rigo qui va. Non, il n'y a pas moyen, je peux pas faire. Non, mais attends, Rigo. Je fais pas le standard. Non. Tu restes sur l'internet, mais c'est toi qui vois c'est toi qui vas prendre pour tout le monde si ça se passe pas bien. Oh la pute, le Rigo. Voilà, pute, ta gueule. Putain de balance. Donc, C'est naze. Je peux pas tout faire en même temps. Il faut rappeler Olive dans ce cas-là, parce que moi je pourrais pas. Non, mais de toute manière, moi je pense que je vais faire un mot pour Max, ça va aller vite. Moi. Ouais, tu feras une lettre. Ouais. Gérard, tu continues le débat, mon chou. On en était à Dick Rivière. Oui, bah écoute, la chasse à la contravention, je crois, est réglementée. Mm-hmm. Faut s'adresser à la préfecture de police, parce qu'on ne chasse pas la contravention n'importe quelle saison. Ouais. Et pour revenir, oui, à ce que tu disais, est-ce que les contractuels sont armés? Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'étoiles de ninja. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elles sont effectivement armées de nunchaku et de jujitsu ou gaito dao. C'est vrai. Non mais attends, les nanas là, je crois qu'on vous a demandé de vous calmer. Alors vous allez vous fermer un peu vos gueules. Vous allez quand même fermer un peu vos gueules. Ouais, fermez vos gueules. Oh les pétasses là. Oh là, dégagez-moi les deux pétasses là. Ouais voilà, dégagez-moi ces putes là. Allez hop. Allez. Hop là. Fais gaffe toi, parce que toi aussi tu risques de dégager. Ouais, bon. Donc Gérard, je peux continuer, c'est Dick Rivière. Donc je te disais... Non. Gérard. GG. Je t'écoute. Oui, donc je te disais, il faut savoir que les contractuelles, ça a changé. Maintenant, elles sont soumises à un entraînement. Il faut savoir que oui, effectivement, elles font des stages d'arts martiaux quand même. Non. Attends, attends. Gérard. Oh, tu me laisses finir. Tu me laisses finir. Vas-y, termine. Tu me laisses parler. Vite fait. Ah. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le nord qui mouille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le nord qui mouille. Il y a un problème, Olive? Qu'est-ce qui s'est passé? Gérard, viens au micro expliquer. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est mis à dire? Ah, Gérard, je te veux, c'est qui? Bah, je ne sais rien, moi, ça vient pas de moi. Là. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Non, moi, je continue pas. Non, mais ça va se calmer, arrêtez les auditeurs. Assieds-toi, Gérard, calme. Allez, on y va, Gérard. Il est qu'1h20, merde. Putain, ça commence à bien faire, hein. Allez, remets ton casque, on y va, mon. Allez, go. Prends ton casque. Oh là là, t'as pété ton casque. Non. Oh là là, il arrête pas de péter son casque. Ah non, c'est le mien, merde. Bon, enfin, allez. Bref. Bon, Gérard. Dans le calme, les auditeurs, on va reprendre. Ouais, on va reprendre dans le calme. Ouais, pas de problème. Allez, go. Donc, Gérard. Peut-on revenir à la formation de ninja effectuée au temple Shaolin par les contractuels? Bon, Allume ton micro. Déjà, une question, la réponse, est-ce que les pervenches sont armés? Moi, je peux vous dire que non. Sur Paris, elles ne sont pas armées. Pas d'accord sur Paris, mais sur Nice, je t'assure que oui. Non, sur Nice non plus, parce qu'on a été à Gérard, Nice. Crie pas, Gérard. On y a été, faites-moi confiance qu'elles ne sont pas armées. Elles n'ont pas des bombes lacrymo? Non. Moi, je me suis fait gazer par une contractuelle, c'est chaud, hein. D'accord, ok. Ouais, tu t'es fait gazer. T'as pris du gaz par une contractuelle. Ouais, mais c'était une erreur. Ouais, c'est ça. Ouais. Prends-moi pour un con. Non, mais pas du tout. Non, mais tu m'y laisses. Loin de moi cette idée, voyons. Ouais, c'est ça. Si tu savais. Ouais, bah, dans ces cas-là, je sais pas pourquoi qu'on t'a sélectionné. Parce que je suis un mec bien. Ouais, bon, dis donc, pour répondre aux questions, t'as pas l'air d'être bien. C'est parce que je kiffe tes débats. Ouais, bah, moi je t'emmerde. Alors, c'est qui ton nom, toi? C'est qui ton nom? C'est Polo. Ouais, ben. Polo Bray. Là. Non, c'est pas Paul Prébois, c'est Polo. Et Polo, je sais pas où il est, il y en a pas. Ouais, bon, Gérard, c'est Paul Prébois, je peux répondre à la question? Vas-y. Ouais, donc, alors moi, j'ai pas une Citroën, je sais pas quoi, j'ai une Mercedes Montblanc. Non, mais attends, Oh, tu évites de. Excuse-moi. Donc, c'est pas pour ça que les pervenches se gênent pas pour mettre des contraventions. Et ce que disait Dick Rivière tout à l'heure, c'est vrai, elles ont des armes. Moi, elles sortent des shotguns quand je veux pas payer les contraventions. Donc, voilà. Je me suis non, mais attends. Plus d'une fois. Je peux attends, plus sortir de terrain sans me faire agresser par des pervenches. Oh oui. Moi, un coup de Desert Eagle, c'est pas bon. Ouais, mais putain, vous allez me laisser parler ou quoi, là? Mais non, mais c'est vrai, Gérard, elles sortent des MP. Eh, tu fermes ta gueule! Okay. Eh oh, Paul Prébois, tu te calmes ou je te dégage? Ah ouais, hein, c'est pénible. Bon. Désolé. À la place de. Excusez-moi. À la place de. T'as une petite chatte dans la gorge? À la place de petite verrue, Gérard. Non, bah, tu leur faire une fiche? Non, mais tu sais, tu vas refaire une fiche? Non, je suis pas payé à faire des fiches. Eh ben, eh oh. Ouais. Donc, la question, ça va être. La carte est faite. Donc, les taxes sont-ils moins chères dans les autres pays que la France? Alors, je vous préviens, ça commence à bien faire quand je parle! Elle coupe les auditeurs, mais ça y est! Bah alors, c'est bon. Donc, les taxes sont-ils moins chères dans les autres pays qu'en France? Et on va s'écouter les taxes d'habitation avec mon anus. C'est pire qu'un squat. Les débats. Pas de radio et. Pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bon, rebonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fun Radio, donc c'est les débats d'Iran. C'est Manu qui est à l'AREA. Pour l'instant, ça se passe bien, donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Rigo qui est toujours sur l'internet www.frfunradio. Oui, tout à fait. Donc on est combien là maintenant, Rigo? On est abaissé un peu parce que t'as trop gueulé. On est descendu à 8247. Oh là là. 8247. Ben ouais, mais ça, désolé, il y en a qui n'ont pas besoin de faire des petites conneries derrière le dos quand Max n'est pas là. N'est-ce pas, Pauline? Oui, Gérard. Ouais, prends-moi bien pour un con. Enfin, bref. Donc, le disque qu'on venait de s'écouter, c'était les taxes d'habitation avec mon anus, c'est pire qu'un squatch. Et donc, pour ça. Donc, on récupère. Donc, la question, c'était. Attends. La question. Les auditeurs. Calmez-vous, les auditeurs, là. Bon, t'es bonne à quoi, là? T'es bonne à faire quoi, là? À faire tes petites conneries, là? Avant de décéder, en antenne. Hein? Déjà. À qui tu parles? Ouais, c'est à toi. Le fun. Oh, t'entends ce qu'ils disent? Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre. Bon, alors, ok. Alors pour l'instant, t'essayes de. Bon, Fidlar, s'il te plaît, t'essayes de me calmer tout ça. Ouais, calmez-vous, les gars. Ouais. Je te jure. Calmez-vous. Alors, la question, vous l'avez très bien entendue. Donc, on va demander à Marie-Pierre Blanche. Bonjour Gérard, déjà je viens d'arriver. Donc, t'appelles d'où? Je n'ai pas entendu la question puisque je viens d'être sélectionnée par Monsieur Fidlar. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Donc, 101.9. Voilà. Alors donc, la question, c'était, les taxes sont-ils moins chères dans les autres pays qu'en France? Que la France, pardon. Ça dépend du cours de la monnaie. Et ça dépend également de la marque de la voiture. Non, mais je te demande les taxes. Oui. Je vois ce que tu veux me dire. Excuse-moi, en anglais, amende, ça se dit taxe, hein, c'est pour ça. Non, mais je vois ce que je vois où tu veux en venir. Ouais. Parce que tu veux dire, par exemple, si tu achètes une voiture à l'étranger, ouais, elle te reviendra moins cher qu'en France, c'est ça? Non, il faut que tu payes la douane, donc ça revient au même. Non, moi je te parlais des amendes qu'on dit en anglais taxe. Que tu payes dans les autres pays. Non, mais ça y est, les amendes, on a terminé. Là, on parle sur les taxes, sont-ils moins chers dans les autres pays que la France? Mais tu comprends pas ce que je veux dire, c'est pour ça. Ouais, bah, dis carrément que je suis un con. Non, je dis pas ça, mais t'es pas bilingue, donc tu peux pas comprendre. Ouais. C'est comme fuck. Fuck, c'est. C'est un petit animal qui vit sur des glaçons. Voilà, fuck. Un fuck. Voilà. Bon, alors vas-y, continue. Comme un asshole. Bon, Son of a bitch aussi. Oh, les autres, là, vous... puis quoi, c'est rigueux, maintenant. Non, t'éteins ton micro on verra. Alors, Paul Prébois, maintenant. Ouais. Alors, donc, la question, c'est pourquoi les taxes en France, dans les pays. Fildar. Tu vois, tu me le prends en tête, celui-là. Non, mais c'est pas... Non, pendant que tu gueules, ils sont en train de répondre. Non, mais attends, pour l'instant... Elle est mal posée, je trouve que c'est incompréhensible, en fait. Bon, alors, si t'es pas content, tu dégages. Je suis content, Gérard, mais c'est juste que, en fait... Au revoir, allez, hop. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, je vais pas me percher avec un auditeur comme ça, moi. Gérard, il y a un certain fesse de babouin sur l'IRC, il dit qu'il faudrait plus taxer l'alcool pour avoir des débats potables. Qu'est-ce qu'on pense, lui, il ferait mieux de fermer sa gueule. Non, mais qu'est-ce qu'on pense de ça? Non. Non? Mais c'est vrai que l'alcool est vraiment taxé en France ou pas, Gérard? Pour l'instant... Ça dépend lequel, peut-être. Non, personnellement, j'ai pas envie encore de taxes sur les alcools et ça m'étonnerait qu'il y en aura. Moi, j'ai bien la peur qu'en fait, les alcools anisés, là, genre Pastis ou Ricard, c'est... pourquoi tu dis ça? Pas de marque. Ah bon, merde, ah oui, c'est vrai. C'est... S'il n'y avait pas de taxes, tu le paierais 4 francs. Non. Et en fait, tu le payes combien? Dans les 40 francs, Gérard, c'est ça. Ah ouais, quand même. Non, tu le payes le prix fort et c'est tout. Donc, Dick Rivière. Ouais, bah écoute, je peux parler deux minutes des taxes sur l'alcool? Oui, non, ça peut être intéressant. Hein. Moi, ça m'intéresse. Parce que, en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle un pot de vin. Mm-hmm. Et je voulais savoir, toi Gérard, qu'est-ce que tu penses des pots de vin? Est-ce que tu accepterais un pot de vin ou est-ce que tu préfères boire directement la bouteille? Gérard, il préfère les sacs à vin. Bon, alors, qui c'est qui vient de dire ça? Alors, Marc Pervent, au revoir. C'est toi qui viens de dire ça. Au revoir. C'est pas vrai. Au revoir. Ah mais je dégage pas toutes les 5 minutes, ça va, comment te continue? Non, je ne veux pas le savoir. Bah Pauline, tu me trouves des gens lorsque je suis en galère. Ouais. Ouais, mais attends, pour l'instant, elle est en train de faire quoi, là? Elle cherche même rien du tout. Elle prend des adresses pour des séries. Ouais. Alors là, ça commence à bien faire, hein. Bon, Gérard. De toute manière, dimanche, t'inquiète pas, on va régler ça. Je sais. Vas-y. On va régler ça dimanche, Apolline, t'inquiète pas. Parce que là, pour l'instant, t'es en train de te foutre de la gueule du monde, parce que le chef est pas là. Quand le chef est pas là, les souris dansent. Et ouais. La preuve, c'est ce qu'on voit. Bah, les gros souris. Hein, les souris dansent, parce que là, Max, il est pas là, t'en profites un maximum derrière son dos. Alors, je vais dire une chose, que dimanche, je te rate pas. Je vais pas te louper. Je vais te bouffer. Ok. Mais toi, c'est pareil. Bah, t'es plus ton pote. Patrick, t'appelles d'où, s'il te plaît? Salut Gérard, j'appelle de plaisir. Bah vous moquez pas de moi. Hein, Patrick, toi? Non mais c'est une fille, elle a un prénom de garçon, c'est ses parents qu'on choisit. Ah Patrick avec un E? Voilà. Ah Patrick. Comme Dominique. Ok, on va t'appeler Pat ou Patou, un truc comme ça. T'appelles d'où? Je te dis de plaisir, avec plaisir. 101.9. Hein. Pardonnez-moi du plaisir, moi. Dick Rivière, s'il te plaît. Oui, pardon, non, mais... Dick Rivière, s'il te plaît, tu t'écrases. Oui, je suis calmé. Gérard. Les jeunes filles, ça m'émoustille. À la place de Paul Prébois que t'as viré, il y a Cyril Chiabodo, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Alors, attention. Et Gérard, il y a Pauline qui m'a proposé de m'en vendre des CD en antenne, quand même. Alors, lui, c'est même pas la peine, tu vois. Hop, je lui dis déjà au revoir. Il a rien dit, Gérard, encore. Non, mais je dis pas. Non, mais il s'amuse à dire Apolline, elle m'a proposé des CD. Alors, Apolline, tu le prends en antenne, et tu lui expliques que le jeudi, c'est pas, il n'y a pas de CD. Non, tu, Apolline lui explique, elle se démerde, c'est elle qui fait ses conneries. Alors, terminé, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Non, le débat. Alors, merde. Apolline, tu te démerdes. Okay, les gens qui veulent décéder, tu leur dis non, moi, ok. Non, mais cela, ça commence à bien faire. Moi, donc, tu notes, Cyril Chiabodeau, il ne va pas avoir de CD. Cyril Chiabodeau, il veut participer au débat. Mm. Donc, tu notes son nom. Et en Cyril Chiabodeau. Bonsoir, Cyril. C'est un prénom composé. Bonsoir. C'est bonsoir. Pas son nom. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, tu t'appelles d'où? J'appelle de Paris. Sans rien d'autre. C'est vrai. Et est-ce qu'il y avait encore un petit sondage peut-être pendant qu'on y est? Non, mais on va laisser finir les gens. D'accord. Donc Patrick. Oui. Donc pour toi la question, donc je la répète pour Cyril qui vient d'arriver. Merci, c'est gentil. Donc c'était les taxes sont-ils moins chers dans les autres pays que la France? Voilà. Et je répète plus les questions après. Ouais, ben bien sûr. Parce que selon le président, bah, il fixe un taux, donc il n'est pas pareil qu'en France, quoi. Non, mais les taxes, je te parle. Bah oui, mais les taxes sont reliées à l'État, Gérard. Mm-hmm. C'est l'État qui fixe le taux. Disons. De la taxe. Ouais, mais par exemple, tu crois que c'est l'État qui va te fixer le prix de l'amende que tu vas payer? Bah oui, un pourcentage, quoi. Ils disent, c'est eux qui ont le monopole, quoi. C'est eux qui ont le power, quoi. Non, je pense pas. Ah si, parce que je suis, je suis spécialisée dans les finances publiques et ça, je peux le prouver. Ah bon? Ouais, je peux le faire. Ok. Cyril? Oui, alors, c'est clair que les taxes sont nettement moins chères dans les autres pays. Par exemple, à Monaco, tu ne payes pas d'impôts aussi. Et les taxes sont nettement moins chères. Ouais, ça, bien sûr. Si tu veux jouer là, je pense que ouais. Sur Nice ou sur Cannes, c'est pareil. Ah ouais, c'est pareil. Nice-Cannes, tu payes pas d'impôts, hein. Eh oh, on me laisse répondre, je réponds à la question à Cyril. Ouais, donc, tu parles de Monaco. Donc, moi, je peux te parler de Nice ou de Cannes, tu paieras moins d'impôts. Ah, c'est pareil. Hein, bah, t'en paieras moins cher. On paye pas d'impôts à Cannes, mais plus cher, je pense... Non, à Cannes, tu payes pas. Hein. Je pense que dans des villes comme ça, Boulon, ça m'étonnerait. Bon, attends, Cyril, s'il vous plaît, là, vous vous calmez, s'il vous plaît, un peu, maintenant. Il fait trop chaud, c'est pour ça. Oh! Bien. Merci. Toulouse, Strasbourg. Voilà. Donc une question de Kakos, il te demande, est-ce que les taxes sur les produits non taxés sont les mêmes dans tous les pays? Ah bah alors justement, tu vois... Devant ton micro, Gérard. Tu vois, la question, c'est toi qui... Non mais là, attends, je te demande de répondre, arrête de dire que c'est moi. Non mais, on va poser la question, donc je vois pas pourquoi qui me pose déjà la question. Bah pour que tu répondes. Bah ouais. Alors donc, les produits, quoi? Est-ce que les taxes sur les produits non taxés sont les mêmes dans tous les pays? Bah je pense, hein. Je pense que dans tous les pays, de toute manière, t'auras une taxe dessus, hein. Ok. Et moi j'avais une question internet aussi, c'est Yankee qui dit qu'il veut te faire gueuler. Parce que l'internet... Non mais il l'a là aussi, il peut en dire lui aussi, hein. De toute manière, les questions, moi je les prends ici, je les prends pas sur le tien, d'accord. Il y en a un autre qui demande qui est belge, que des trucs super. Cyril, donc pour finir, tu me remets les auditeurs, Manu, s'il te plaît. Pardon, j'étais absorbé. Ah Manu, oui, donc voilà, moi ce que je disais, c'est que c'est beaucoup moins cher partout, et il y a carrément des pays où t'en payes pas. Alors donc, tu veux parler de Monaco et tout ça. Ah oui, même la Suisse par exemple, c'est beaucoup moins cher. Ben ça, comment? Non. Ah, j'en ai entendu une qui a dit une connerie là. Ouais. Je crois qu'il va falloir la virer celle-là. Hein. Je sens que ça va se terminer au vinaigre tout à l'heure. Ouais. Apolline. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non mais tu recommences ou quoi là? Bah c'est le mix suprême. Non. Elle a fait gagner les 300 000 balles. Olivier. Oh non mais non. Olivier. Elle a fait gagner le mix. Ça y est. Oh mais non, gagner les 300 000 balles. Olivier. Mais t'es taré ou quoi? T'es taré. On va avoir des emmerdes à peau. Elle a fait gagner les 300 000 balles. Comment on fait? Si, elle est là la fille, je l'ai à l'antenne. Ah mais non, mais attends. Non, non, moi j'arrête le débat là. Non, mais c'est pas possible ça. Non, moi je continue. On n'a pas mis les 5 disques à peau. C'est pendant le débat le mix suprême. Non, c'est terminé. C'est 5 disques enchaînés. Au revoir, bonne nuit à tous. Mais, ça va pas, mais non, Gérard, assis-toi. Assis-toi, j'ai du monde qui revient là, tu vas pas faire ça. Allume ton micro. Non, je continue pas comme ça. Alors Apolline, tu dégages. Bon, Apolline, dégage. Oui. Non, non, Arrête. Balance pas toutes ces affaires. Tu dégages. Tac et tu t'en vas, quoi. Hop, tu dégages. Allez, hop. Allez, va prendre ton casque. Ouais. Hop. Dégage. Hop. Doucement. Hop. Tu prends. Attends, le mix suprême. Attends. Ça, c'est des preuves, ça. Ça, c'est des preuves, ma petite. Non. Tu me donnes la fiche, là, que t'as dans les mains. Hop. Ça, faut que tu le gardes, parce que c'est des preuves, ça. Assieds-toi. Sur RC, ils disent non, à peau, par pas. Non. Bah, assieds-toi. Maintenant. Attends, elle a fait gagner le mix suprême, elle dégage. Je sais pas où tu lis ça, moi, je vois salope. Au revoir. Ah oui, salope, par pas. Hop, exact. Tu dégages. Je te préviens d'une chose. Apolline. Oui. Bah, Gérard, reviens, on est à l'antenne, là. Tu t'amuses pas à faire tes saloperies de jeudi. Non. Ouais. Terminé. Allez. Ça. Ok. Fini. Ciao. Bon, allez, on reprend le débat en conscience. Allez, go. Et comment elle s'appelle, la fille qui a gagné le mix suprême, là, les 300 000 euros ? Non. Bah, si, pour qu'on lui dise qu'elle n'a pas gagné, quand même. Qu'on lui dise. Certaines Sandy. C'est une Marie Dupré, donc. Non, pas le nom de sa famille. Marie, n'aie crainte, t'as rien gagné du tout. Tu viens de paumer 300 000 balles, bravo. Voilà, tu viens de tout perdre, parce que le jeudi, on ne peut pas gagner. Voilà, donc t'as tout perdu. Alors, on revient au débat. Donc, Apolline n'est plus là, donc il n'y a plus que Fildar au standard. J'ai viré Apolline. Bon, celui qui s'amuse à ça, arrête. Pourquoi c'est une fille, ça? Non. Je crois pas. Hein. On est vraiment plus doué que ça. Hein. Donc, il nous reste Dick Rivière. Oui, je suis là, bonsoir. Patrick. Oui. Cyril. Oui, non, bonsoir. Et Marie Pervenche, t'es toujours là ? Oui, je suis toujours là, Gérard. Tu t'es calmé ? Bien sûr. Bon, alors on compte. Et Paul Prébois, il n'est plus là. Hein. Non, il est mort. C'est le con, celui-là. Alors, avant. L'enculé, il t'emmerde, d'accord ? Il parlait de Paul Prébois. Ouais, non, mais faudra peut-être se calmer un petit peu, parce que sinon, ça. À 2h30, moi, je mets clé sous porte. Hein. Oui, on a avancé. Alors, pensez-vous que. Bon, pensez-vous que... Oh ! Bon, vous vous calmez. Mais ils attendent la question. Non, mais pour l'instant, je fais le sondage. Ah, vas-y. Donc, pensez-vous que l'on taxe trop les taxes ? Alors, 43% pensent que ce n'est pas la bonne syntaxe. Ouais. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Ouais. 24% ne pensent pas qu'il existe une syntaxe. Je vois pas le rapport non plus. Ouais, c'est vrai, Rigo. C'est franchement. 18% aimeraient que l'on taxe la cinglingling. Ouais, bof. Non, c'est pas terrible, hein, comme son. Ouais. Il y en a un autre, non? Ouais, on va de manière, on va enchaîner. On va terminer les sondages, comme ça on va être tranquille. Ouais, êtes-vous trop taxé? Alors 37%. C'est intéressant, ça. 37% se demandent ce qu'on fait des tuyaux. Donc ça c'est pour reprendre la chanson à Manu, c'est qui Bérégovois. Ouais. Non, c'est. Philippe Bérégovois. Non! Non? Jodassin. 37% se demandent ce qu'on fait des tuyaux. C'est pas Jodassin, bah, c'est Sacha Distel. Ah. Ah. 34% se demandent où sont passées les grandes échelles. Donc, bravo. Ça, c'est encore une chanson à machin. 27% pensent que pas de panique. Il nous les faut. Ouais, bon, bah alors donc. Pas de panique, il nous les faut. Ouais. Ta, ta, ta, ta, ta. Donc, ça, c'est une chanson à Sacha Distel qui est dans le Ricky Larsen. Ouais. Hein. Alors, sur quoi voudriez-vous plus être taxé? Alors, 57% aimeraient ne plus payer. Hein? De quoi? 57% aimeraient ne plus payer pour ne pas pénétrer. Mais c'est quoi ce sondage? Quoi? Faut que tu expliques. Je sais pas, j'ai pas lu, moi j'ai recopié. Alors je tape vite. Répète, Gérard. 57% aimeraient ne plus payer pour te pénétrer, ouais. Ben écoute. Ah oui, c'est vrai pour que c'est me cher. Pour me pénétrer, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce sondage? Alors après, t'as 32% aimeraient ne plus payer pour avoir ma. Ah non, c'est pas ce que j'ai récupéré, ça. Pour voir ma sale gueule. Non, je continue sondage. On va finir. Et 27% aimeraient ne plus payer pour voir mes fesses. Alors là, bravo. Je vais te dire une chose. Ah, mais c'est pas le mien, ça, Gérard, c'est pas possible. Là, je me demande qui c'est qui s'amuse à ça. Apo, c'est Apo. Elle vient de te le dire. Ouais. C'est elle qui vient de me le dire, c'est Apolline qui a fait le sondage. Ouais, bah elle. Qu'est-ce qu'elle a fait des miens? Qu'est-ce qu'elle a fait des miens? Elle les a achetés à la poubelle parce qu'elle a dit que cela était mieux. Ouais, bah. De toute manière, dimanche, on va s'amuser avec elle. Bon, allez, avec son piercing au sourcil, là, on va s'amuser. Les auditeurs, la couche. Donc, la sixième question. Ouais. Êtes-vous pour un enlèvement de voiture gratuite? Donc, on va demander à Marie Pervenche. Un enlèvement de voiture gratuite? Oui, pour un enlèvement. Si ça ne me coûte rien, moi, je suis d'accord. C'est Marie Pervenche. C'est juste un bête musical, vas-y. De la compagnie Claude ou quoi? Arrête. Je pense que l'équipe là vous non, je voulais juste profiter. Non, Marie Pervenche, c'est une chanson, je voulais juste habiller ton débat. C'est quoi comme chanson? Super adorable. C'est tout? C'est quoi comme chanson? Non, ça te plaît pas, c'est pas grave, on enchaîne. Vas-y, Gérard. Marie Pervenche. Vas-y, alors, Marie Pervenche, la question, je viens de la dire, donc je la répète plus. Donc, d'accord. Moi, je te disais que je suis d'accord qu'on enlève les choses gratuitement, à condition que ce soit pas payant, quoi. Bah, de toute manière. Êtes-vous pour un enlèvement de voiture gratuite? Ah, je suis pour, hein, y a pas de problème. Mais si je paye pas. Ah oui. Mais si c'est gratuit. Pas, hein. Ah ouais, mais ça dépend. Ouais. Ça dépend, ça dépasse. C'est trop facile. Dick Rivière. Bah écoute, moi je suis pour. Et de toute façon, en cas d'enlèvement, j'ai toujours refusé de payer la rançon. Parce que si tu commences à payer la rançon, après c'est fini. Non. Pas le cowboy. Y a pas moyen, donc je ne. Bon, Patrick. Donc les enlèvements gratuits. Si la voiture après, ouais. Mais je vois pas la différence entre l'enlèvement et le vol, quoi. Non, mais je pense, êtes-vous pour un enlèvement de voiture gratuite? Je parle pas de vol. Ouais. Je demande les enlèvements. Parce qu'un vol, c'est gratuit tout ça. Il faut s'arranger avec les ravisseurs aussi. Bah ouais, voilà. Pas de rançon. Bon, Cyril. Ouais, bah alors moi, je suis tout à fait pour, mais le problème, c'est que je veux pas récupérer ma voiture en boîte de sardines après. Ah bah ça. Traite mal et qu'il y ait plein de cabossage partout. Ouais, mais tu te fais rembourser par l'assurance, tu t'en fous. Attention. Par contre, qui c'est qui vient de dire ça là? C'est de l'escroquage à l'assurance. Non, attends. Qui c'est qui vient de dire qu'il se fait rembourser par l'assurance? Marie Pervenche. Ouais, mais moi je vais te dire une chose, tu vois, que si les assureurs se renseignent bien. Ouais. Normalement, ils retrouvent facilement les voitures. Faut bien se dire une chose. Gérard. Pour déclarer, 5 minutes. Ouais, donc. Vas-y, ouais, je t'en prie. Oh hey, tu me l'es. Tu restes tranquille 2 secondes. Ouais, ça change. T'inquiète, malin, c'est tout. Tu les arnaques. Ouais, les arnaques, c'est ça. Mais c'est ça. Tu crois que tu vas arnaquer un assureur pour, parce que ta voiture, elle est volée? Non. Il y a des gens, ils mettent le feu à leur voiture pour toucher l'assurance. Ouais, une fois que le feu, il est bien mis, donc il y a l'expertise. Qui vient, et ils reconnaissent. Connaissent l'allumette. Ouais. Non, mais faut se dire une chose. Que lorsque la voiture brûle, il y a toujours la plaque d'immatriculation. Alors, nuance. Ouais. Ouais. Il y en a même qui font brûler leurs hanches. Ouais. C'était Delight qui précisait que, en fait, par rapport à l'enlèvement, il faut préciser si c'est hors taxe ou TTC. Bah non, l'enlèvement gratuit, c'est pas hors taxe ou pas. Bah si. Bah de toute manière. Tu payes la TVA sur un enlèvement, Rigo, toi, quand tu es dans le 9-4 et que tu quittes des golfs. Non mais attends, toi, au lieu de parler du 9-4, toi, espèce d'abruti. Ouais. T'as payé une taxe sur ta poubelle, là? Pour t'enlever les fesses, ouais, j'ai payé une taxe. T'as payé une taxe? Non, allez, ma caisse, je depuis 2 ans. Non, il paraît que tu l'as récupéré. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, c'est trop vrai. Donc, conclusion du débat. Mais il est ouf ou quoi? Conclusion. Ok, pas de problème. Conclusion du débat, Marie Pervenche. Conclusion, c'était un très bon débat, mais je pense qu'on n'a pas soulevé les questions essentielles. Je vais te soulever, moi, tu vas voir. Moi, je veux bien qu'il me soulève. J'en connais quelques-unes, ça doit être dur de les soulever, n'est-ce pas? Quoi? Bon, alors, Cyril, on se calme, Cyril. Cyril, au revoir. C'est pas moi, Gérard, c'est Dick. Voilà, non, c'est Cyril, pas, c'est Dick Rivière. Non, c'est Cyril, je t'ai reconnu. Allez, on fait la conclusion. Allez, voilà, on commence à me casser les couilles là. Conclusion. Ça manquait de soulèvement et je pense que moi, je te propose qu'on en refasse un. Donc, je suis à ta disposition. Quand je vais me renseigner, lire un peu le dictionnaire et puis j'aurai plein de trucs à te dire. Ah non, mais moi, je vais te dire une chose, que je suis pas prêt de refaire un débat sur les taxes. Ouais, hein. Mais t'as pas tout dit. C'est tellement bidon. Manu, tout à l'heure, tu vas te prendre un briquet dans ta gueule ou mon portable. J'ai rien dit. Non, j'avais, j'avais le micro éteint. Dick Rivière. Ouais, bah écoute, le débat était bien. L'animateur moyen. L'animateur est en merde. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Si, oui, Taxi, le film, j'ai kiffé. Et comment puis, non, rien. Et puis, bah écoute, fais gaffe, parce que si un jour il y a un inspecteur des impôts ou un huissier qui débarque chez toi, bah voilà, quoi, fais gaffe. Planque. Non, mais attends, faites-moi confiance que pour l'instant, j'ai pas de problème avec eux, alors donc. Ça me serait tardé. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que tu vas t'amuser à ça, toi, espèce de petit con. Ouais, parce que moi, je connais du monde et je vais faire bouger les choses, moi. Ouais, bah attends. Toi, de toute manière, ton numéro de téléphone, on va le garder. Ouais. Et puis, on va demander à Max qui s'amuse à t'appeler pour savoir si vraiment tu. Je sais que t'as 3h du mat. Planqué sous le lit. Ouais, c'est ça. Caca planqué, je le sais. C'est ça. Tu me gardes son numéro de téléphone, là, on le donne à Max dimanche. On va s'amuser avec Dick Rivière. Génial. Patrick. Et ben, comme souligné ma copine, tu vois Gérard, le débat était pas mal, mais comme d'habitude, tu n'as pas réussi à mettre le doigt sur la problématique en fait. Ben, disons, c'est que... C'est vaste, hein, je suis d'accord. Mais il y avait quand même 10 questions, on arrête à la 6e, je ne sais pas pourquoi. Ben vas-y, continue. Non, mais là on fait la... On attaque la conclusion parce qu'il faut attaquer l'autre débat. Ouais. Ah oui, les deux humanitaires, tout ça, les petits... Et donc, comme Patrick, elle n'a pas participé tout au long du débat, tu la gardes, elle va participer aux dons humanitaires si elle veut bien. Ok. Ah, je peux rester avec toi, Gérard ? Ben, pour faire le deuxième débat, pour répondre aux questions, wow. si on n'a pas trop de cons sur qui te coupe le... Sur la FM, il y en a pas mal des cons. Si les autres, ils ne s'amusent pas de couper la parole sans arrêt. Ah, c'est donc, sympa, un peu de respect. Donc, on garde Patrick pour le deuxième débat. Ouais, d'accord. Cyril. Oui, alors moi, j'ai trouvé ton débat très intéressant. C'est rare, mais c'était très bien. T'as très bien animé. J'en ai appris beaucoup plus sur les taxes. Et sinon, j'ai une conclusion de Davy One sur l'IRC qui me dit « Gérard, tu devrais faire attention parce que les contrôleurs de la connerie vont te taxer. » Et ta sœur... C'est pas moi, c'est Davy One. Elle balbe. Ouais, ta sœur, elle est en train de se faire sauter. Par un catcheur. Ouais. Non, par un balbeur. Par un éléphant. Oh, joli. Ok. Oh, c'est pas mal, ça. Rigaud, question... Ouais, conclusion. Conclusion IRC. Bon, je sais qu'il y en a une qui va dire que mon débat n'avait ni queue ni tête, comme d'hab. Voilà. Ça m'aurait étonné. Et ni taxe non plus, c'est Turpentine, on la remercie. Il y a Jet qui dit que ce soir, la radio était taxée par un animateur de débat pourri. Ça, c'est pas de ma faute si Max... Il a bien raison. Il est parti parce que il avait son Technomax à faire, moi. Sinon, il y a... attends, c'était où ? Moi, j'avais vu une Dedifun, mais moi, ton doigt, je sais pas trop quoi. Ouais. C'était pas bien. Ouais, c'était cul, moi, mais on va abréger. Ok. Le problème, c'est qu'on m'envoie des trucs. Oh, mange-toi, allez. Quoi ? Pour conclusion, il y a un mec qui me disait que dans l'histoire, il sait toujours pas ce qu'est une taxe. Bah une taxe, il regarde dans le dictionnaire, c'est marrant. Bah ouais, c'est comme dans une tasse, mais avec un X. Ouais. Hop. Donc, qu'est-ce qui se fait chier écouter Gérard qui dit rien, qui dit des conneries, alors qu'il pourrait avoir un dico, c'est vrai. Donc on est à combien maintenant ? On est 4. Non, mais sur l'IRC, avant qu'on envoie la musique, et puis on va se retrouver pour les dons humanitaires. On est 9822. Oh, je remercie Beringer. 9822. LGM, le Gérard masqué, le pape et Bozine et toute la... Alors donc, on va se retrouver pour le deuxième débat. Non, donc, pas toi, celui qui me dit et moi. Voilà. Donc on va se retrouver pour le deuxième débat qui vont porter sur les dons. On se donne en carreau. Skyrock. Okay. On sera sur Fun Radio, donc on va se retrouver d'ici un petit quart d'heure. Ouais, bien sûr. D'ici 10 minutes à peu près. Ouais, donc pour le deuxième débat qui va porter sur les dons humanitaires. Donc la première question, donc je la pose tout de suite. Quel genre de dons peut-on faire ? On va s'écouter. Vous pouvez toujours appeler au 0803 08 5000. C'est Fildar qui est... Non, ça va être Manu. Ça va être Manu au standard. Toujours Rigo sur l'IRCWW.fr, Fun Radio. Et donc, on s'écoute Gérard Austin avec une hanche en bois et une rotule en plomb. Je sais pas ce que c'est que ça.